Loc. L'ambiance est traître. J'ai le cœur qui saigne abondamment. En général, c'est une journée banale qui précède avant ta mort. Fais entrer la crime. Besoin de plastique. Un jour d'orage, c'est fantastique. Un détonateur, je dépose tout ça en plein pastille. J'ai que j'ai raison, dis pas que le doute n'existe plus. Comment savoir sur qui tirer quand ça tous des fils de... J'ai besoin d'elle. Ma mère, c'est mon oxygène. Je laisserai pas tomber mon fils, mon blaze est gravé dans ses gènes. Et puis, tu deviens pas sûr, même si c'est pas ton taf. Un truc de fou pour lui, je multiplierai des attentats. Besoin de gang avec des copines. Non, non, c'est le contraire, j'en veux une qui m'écoute, qui m'apaise et me comprenne. Et j'en ai rien à foutre, qui les déboîte de partout. J'ai besoin d'embrasser une belle femme et de caresser la douceur, moi, ouais. Besoin de calme dans ma vie, car ton avis, je veux les îles. Pas besoin de 4x4 dans ma ville. J'aurai toujours du respect pour ma tête, mais j'en ai marre de vivre avec des yeux griffés derrière la tête, ma gueule. Ouais, j'aurais peut-être moins que, mais je veux pas rester sur place. C'est faire du tête à queue sur du hockey sur glace. Et puis, après tout, si j'ai une tête d'arabe dans ce monde, c'est le sec qui fait tout la putain de ta race. Avez-vous toujours l'intention de vous évader de nouveau? Monsieur le Président, avec votre écharpe entre les sangs de la nation, vous devriez savoir que quand on vit dans un enfer, l'évasion est un droit. Je dirais même plus, elle est un devoir. Et qui plus est, un commerce. Il nous faut une petite dose de verre après une fausse alerte. Allons 10 jours en Espagne pour y dépenser 20 salaires. À force de fumer, le seum n'a plus d'effet sur moi. Secret partagé à trois et bien gardé quand deux sont morts de nos jours. Dis pas que le doute n'existe plus. Comment savoir sur qui tirer quand c'est tous des fils de pute, tu sais. À part les miens, le rap c'est de la foutaise. Mais ils sont bien dans la rue, mais le fond dessus c'est la bouteille. Faire de la provoque, sans moi ça fait longtemps. J'ai pas changé, je baisse toujours la mer à ceux qui veulent l'entendre. Et c'est normal, j'attends pas d'être crassé à bord d'un gamos avec un fusil à pompe extra. C'est la loi du calibre contre l'archer. Laisse pas l'ADN, un bon alibi, ils vont te relâcher. Non, ce qu'on reflète, c'est pas les vidéos. La vidéo, non, sans pas les courriers de la vie des autres. Alors comme ça, je suis l'ennemi public numéro 1. Hein? Et ça, c'est des conneries, ça. Je suis l'ennemi d'un service public. Les banques. Ah oui, ça, oui, c'est sûr. Je les braque. Alors, bon, hein, elles m'aiment pas. Et quand je braque une banque, j'ai pas la sensation d'enfreindre la loi, moi. Mais juste de voler un plus voleur sur moi. De voir des cousins avachés qui sont tombés dans l'alcool avec le zen dans la machine. Perpé deviennent fantômes quand les autres partent en voyage. Sur chaque terrain, dans les retours, est à l'aigle royal. Le président s'en bat les couilles de ses clients. Ceux qui vivent d'amour et d'eau fraîche, je regarde plus en souriant. Son ménage dans la merde, oui. Donc je l'admets, depuis la crime est devenue le requin blanc qui nage dans la mer. Besoin de tout, peut-être, besoin de rien en fait. Besoin de foi, je vais peut-être mourir demain. Besoin de tout, ou peut-être de rien en fait. De foi, je vais peut-être mourir demain. Besoin de tout, peut-être, besoin de rien en fait. Besoin de foi, je vais peut-être mourir demain. Besoin de tout, ou peut-être de rien en fait. De foi, je vais peut-être